J'ai tout à donner, les pieds dans la merde. Petit, je me faisais tout le temps niquer mon goûter. Sur le terrain vert, dans son équipe, personne ne voulait. Pas très doué, c'est en touche que je jouais. Ma première meuf était plus grosse que moi, deux fois mon poids, c'est dans une teuf que je l'ai serré. Depuis elle veut plus me lâcher, elle a les chicots en travaux, une vraie rap habite, elle en fait même des copeaux. Mon premier boulot, un CAP mécanicien. J'ai passé plus de temps à balayer qu'à me laver les mains. J'suis au fond du trou, à 15 ans j'commence à teaser. Mon rêve n'était pas fou, j'ai pris une sacrée branlée. Depuis, j'me cache toujours pour fumer, de peur de me faire attraper. Quand j'suis foncé, j'me mets à halluciner. J'suis sans espoir, un putain de poissard. J'ai l'impression qu'au-dessus de ma tête se balade un nuage noir. Pour tous ceux qui ont de la malchance, faites comme moi. Arrêtez de l'éviter, commencez à toucher du bois. J'suis superstitieux, j'ai toujours peur de me faire mal. Pour me rassurer, j'habite rue du fer à cheval. Pour tous ceux qui ont de la malchance, faites comme moi. Arrêtez de l'éviter, commencez à toucher du bois. J'suis superstitieux, j'ai toujours peur de me faire mal. Pour me rassurer, j'habite rue du fer à cheval. Quand j'écoute mes prods, j'ai l'impression d'avoir un skull rayé. J'ai changé de mode, j'arrive toujours pas à baiser. En boîte, j'suis le premier à vomir. Mais ce n'est pas ça qui m'empêchera de venir. Bien au contraire, toujours prêt à teaser. Tu sais, j'suis genre de mec déprimé qui fait pitié. Je regarde en l'air en me disant que j'ai sûrement une bonne étoile. Fais chier, j'ai encore marché dans la merde. Mon quotidien est pourri, dans ma vie il se passe rien. Assez une fois, ma meuf se faisait troncher par mon chien. J'ai tellement les boules que j'arrive à m'asseoir dessus. Putain, je suis un mec cool, pourquoi tout me tombe dessus? Aucune explication, la vie est faite comme ça. Je me pose plus de questions, j'avance avec ça. J'ai la fixification pour me consoler. Mais après réflexion, je crois que mon blast est à changer. Pour tous ceux qui ont de la malchance, faites comme moi. Arrêtez de l'éviter, commencez à toucher du bois. Je suis superstitieux, j'ai toujours peur de me faire mal. Pour me rassurer, j'habite rue du fer à cheval. Pour tous ceux qui ont de la malchance, faites comme moi. Arrêtez de l'éviter, commencez à toucher du bois. Je suis superstitieux, j'ai toujours peur de me faire mal. Pour me rassurer, j'habite rue du fer à cheval.